comme ça et le froid sur leurs mains. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. histoire, faire bouger ce monde d'infortune où plus rien ne va. Les hommes brûlent la terre, ils sèment le vent, mais ils ne sont que poussière. Caché par le vent des moussons

Thank you. Gentil